Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. Le déblocage administratif des personnels des institutions à statut spéciaux attend la signature du décret de sa mise en application et c'est pour très bientôt d'après le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique qui a tenu à rassurer les syndicalistes de l'Université du Burundi. En conflit foncier oppose depuis deux jours 300 ménages de la colline Kagwema, commune Gihanga de la province Bubanza et deux sociétés, l'une qui va fabriquer des carreaux, l'autre du ciment. Et une compétition internationale de beach volleyball aura lieu à Bujumbura du 17 au 21 août prochain. Ce sera sur les terrains du Petit Bassam. Voilà pour le sommaire. Les personnels enseignants administratifs et techniques de l'Université du Burundi réclament toujours le déblocage administratif et avancement de carrière dans les plus brefs délais, comme le gouvernement l'a fait pour les autres fonctionnaires de l'État au mois de juillet en 2022. Ils l'ont dit ce vendredi au cours d'une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle le président du syndicat des enseignants a tranquillisé, indiquant aux participants que, selon les informations fournies par le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, cette question va trouver solution à travers le décret présidentiel portant à travers le décret présidentiel de mise en application de ce déblocage administratif. On écoute plutôt le professeur Désiré Nisubire, c'est le président du syndicat des enseignants de l'Université du Burundi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a expliqué que on doit d'abord commencer à débloquer avec généralement les personnels qui sont régis par le statut général des fonctionnaires. Ils ont fait ça, ils ont débloqué depuis juillet 2022 et là ils ont fait ce qu'on appelle les ajustements salariaux. Et nous on a attendu parce qu'on disait que la deuxième étape ça devrait être pour les personnels à statut spéciaux. Donc c'est-à-dire d'ici là cette année. Alors le président de la République donc a dit que ça doit se faire d'ici là cette année. Mais on a attendu, ce n'est pas encore fait. Ce qui nous a beaucoup étonnés. Quand on est allé demander au ministère de tutelle, on nous a dit qu'on attend un décret de mise en application. Et généralement, ce décret a été attendu il y a un mois. Voilà que le mois d'août commence et on commence à s'inquiéter. Maintenant, d'abord, on réclame qu'on doit être positionné là où nous devrons être aujourd'hui. C'est-à-dire recevoir un salaire normalement qui est harmonisé par rapport au déblocage. Et ensuite, sûrement, on va réclamer de toute façon, la régularisation de 12 mensualités, c'est-à-dire de juillet 2022 jusqu'en juin 2023. C'est ça, il y a deux éléments. D'abord, un salaire qui est harmonisé et une régularisation annuelle. Mais jusqu'à présent, on attend d'abord le décret qui harmonise le salaire du mois de juillet 2023, et bien sûr, avec la suite de l'année 2023-2024, ainsi de suite. Au cours de cette Assemblée générale, après avoir donné toutes ces informations, les personnels de l'Université du Burundi ont donné, bien sûr, de la confiance aux informations qui ont été fournies par notre ministre, selon lesquelles le décret de mise en application, généralement, peut sortir d'un moment à l'autre. Voilà, et puis, on s'est convenu que vendredi de la semaine prochaine, on doit encore se rencontrer pour évaluer là où on est avec les revendications. Le professeur Désiré Nisubire, président du syndicat des enseignants de l'Université du Burundi. Le manque de sucre perdure en mairie de Bujumbura dans les quartiers Nyabagere et Muyaga de la zone Gihosha où la rédaction de la radio-télévision Isanganiro a pu passer l'avant-midi de ce vendredi. Aucun boutiquier n'en disposait. Ces derniers acheteurs demandent que ce produit soit disponible. On fait le point avec Jean de Dieu Irakodze. C'est un marchand opérant au nord de la ville de Bujumbura, dans le quartier Nyabagere de la zone Gihosha, qui indique qu'il vient de passer plus de deux semaines sans avoir le sucre à commercialiser. Il décrit ici comment la journée se déroule. Depuis le matin, j'ai déjà reçu une cinquantaine de clients voulant du sucre et ils me demandent si je peux leur orienter où ils pourraient en avoir. À cela, je réponds par la négative. Cela traduit que le sucre est une question délicate dans cette localité. À cet effet, les parents implorent que ce produit soit disponible pour que les enfants aient de la bouillie ou du thé pour les enfants. Cette situation est reproduite par un habitant, mère de deux enfants. Depuis mi-juin, je ne peux pas trouver du sucre. Une fois que nous entendons où il y en a, nous faisons de longues files et il s'écoule sans que nous soyons servis. Ensemble, ils appellent à la disponibilité de ce produit. Les autorités habilitées sont interpellées. Nous demandons au gouvernement d'augmenter le sucre pour que la population comme les commerçants détaillants soient servis, car il est visible que la population peine. Nous demandons aux autorités habilitées de rendre disponible le sucre, même s'il serait vendu à un prix élevé, car nous ne voyons pas comment nourrir nos enfants le matin sans sucre. Avec le sucre, on peut acheter du beignet et faire du thé pour les enfants. Une situation similaire s'observait au quartier Muyaga, une situation qui perdure alors que la société sucrière de Mosso avait majoré le prix de ce produit le 27 juillet 2023. Jean de Dieu, Irakoze. Le gouvernement burundais prévoit la suppression des conseils d'administration au sein de certains établissements publics et administrations personnalisées parce que ne générant pas de revenus. Ce qui ressort du conseil des ministres est tenu mercredi et leurs missions seront transférées aux inspections générales des ministères. Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement indique que le cadre légal de ces structures n'est pas adapté à la constitution du Burundi en vigueur et la gouvernance n'y est pas efficace. Suivez les précisions dans cet extrait du contrat de ce conseil des ministres, lu par Prosper Nahorguamiye. Le législateur de l'époque n'a pas tenu en considération la gouvernance de certaines institutions en termes d'efficacité et d'efficience, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a des conseils d'administration qui ont été mis en place et qui font dépenser beaucoup de fonds alors que ces structures ne génèrent pas de revenus. Dans le souci de se conformer à la constitution en vigueur, il a été décidé de revoir le cadre légal régissant les établissements publics burundais et les administrations personnalisées de l'État pour l'adapter à l'environnement actuel en supprimant les conseils d'administration car ces structures ne génèrent pas de recettes. Avec cette suppression des conseils d'administration, les missions qui leur revenaient seront confiées aux inspections générales des ministères. Si les conseils d'administration sont supprimés, il sera difficile pour certaines d'entre elles de prendre des décisions pertinentes. Il serait mieux de penser à mettre en place un autre organe pouvant substituer le conseil d'administration. Pour les administrations personnalisées régies par les lois spécifiques, il est proposé d'insérer une disposition prévoyant que l'appellation des organes dirigeants se réfère à ces lois qui les ont mises en place. Les concepts d'administration personnalisée et d'établissements publics doivent être bien définis pour éviter toute confusion et faciliter la compréhension. Ainsi, une administration personnalisée est une entité déconcentrée de l'État, tandis qu'un établissement public est une entité décentralisée. Une administration personnalisée est placée sous l'autorité directe d'un ministre, tandis qu'un établissement public est placé sous la tutelle d'un ministre. Une administration personnalisée est dotée d'un budget de fonctionnement et les recettes perçues sont directement versées au trésor public. Il est doté d'un conseil de direction. Un établissement public, quant à lui, reçoit des fonds de départ lui permettant de produire et faire des bénéfices et dans ce cas, un conseil d'administration est nécessaire. Les administrations personnalisées, par nature, rendent des services publics et ces services peuvent être rémunérés ou pas. Ces deux situations doivent être gérées différemment. Prosper Nahorguamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Six personnes dans mes ménages résidant dans la cellule 2 du quartier Nyabagere en zone Guihosha souffrent d'une maladie matérialisée par de la diarrhée et des vomissements. Ce ménage vit dans une parcelle abritant 15 ménages qui partagent une seule latrine. Janvier Naouyangira, chef de cellule de Nyabagere, affirme bien que le manque d'eau potable dans cette localité peut être la cause de cette maladie. Jean-Marie Mayonga, reportage. Les personnes qui ont présenté les signes de ces vomissements et diarrhées sont d'une même famille au nombre de 6. Le premier qui a été touché est le responsable de la maison qui dit qu'il n'a pas connu la maladie et a été vite dépêché à l'hôpital où il a reçu des soins par des sérums. C'était mercredi où j'ai constaté la diarrhée et vomissement très tôt le matin et j'ai pas pu connaître la maladie. Le soir, quand je rentre à la maison, j'ai commencé à vomir et par après, j'ai perdu l'équilibre. Les voisins m'ont vu dépêcher à l'hôpital Roi Khaled. Je demande que ce qui m'est arrivé n'arrive pas aux autres, que le gouvernement fasse tout ce qu'il faut pour nous servir en eau potable. Certains habitants de cette localité signalent que le manque d'eau potable serait la cause de cette maladie, une confirmation de Janine Nzigimana, qui est l'agent communautaire. Au quartier Nyabagere, nous avons un sérieux problème de manque d'eau potable. C'est pourquoi nous lançons un cri d'alarme à nos autorités pour qu'ils nous viennent en aide et nous octroyant une adduction d'eau potable. Imaginez une parcelle de 15 ménages avec une seule toilette. Vraiment, comment espérer l'hygiène à cet endroit? Au sein de l'administration, le chef de cellule, Janvier Naouya Angila, lui aussi, confirme que cette maladie s'est présentée. Et cela est dit au manque d'eau potable dans cette localité. Ce chef de cellule de Nyabagere demande à la régie des eaux de leur distribuer de l'eau potable. Cette maladie qui a causé du diarrhée et vomissement dans les deux cellules Nyabagere, à savoir cellule 2 et cellule 3, 8 personnes ont été déjà atteintes dans ces deux mois-ci, selon ces mêmes habitants du quartier Nyabagere, zone Gihosha, en mairie de Bujumbura. Et un conflit foncier oppose depuis 2 jours 300 ménages de la colline Kagwema en commune Gihanga de la province Ebubanza et 2 sociétés, l'une qui va fabriquer des carreaux, l'autre du ciment. Les propriétaires des champs se trouvant sur ce terrain de plus de 40 hectares déplorent le fait que leurs champs de manioc ont été détruits par un tracteur qui fait le terrassement et demandent aux autorités de les rétablir dans leurs droits. Les responsables de ces sociétés expliquent qu'ils ont des documents d'attribution de ces terrains et que ces populations seront indemnisé. Un reportage de notre correspondante Spes Caritas Kabanyana. Ce cultivateur est rencontré sur le terrain ce vendredi matin se lamente que son champ de manioc a été détruit par un tracteur qui fait le terrassement de ce terrain de 48 hectares. C'est sur la colline Kagwema de la commune Gihanga, à côté de la RN5, la route Bujumbura-Cibitoke. Les habitants de cette colline, qui se compte en 300 ménages, disent ne pas comprendre pourquoi ces deux sociétés, l'une qui va fabriquer les carreaux, l'autre pour la fabrication du ciment, veulent les exproprier alors que ce sont des terrains qu'ils exploitent depuis 40 ans, comme ils le racontent. Ils demandent aux autorités de les rétablir dans leurs droits. Les responsables de ces deux sociétés, de leur côté, expliquent qu'ils ont un document d'attribution. Nous sommes ici pour le terrassement du terrain. Nous voulons démarrer les activités. C'est l'intérêt qui a été octroyé conformément à la loi. Nous avons un décret du président de la République qui octroie ce terrain. Vraiment une seule personne qui essaie de révolter les gens. Sinon, la population, dans l'ensemble, nous sommes en train de travailler en collaboration. L'administration est au courant. Il y a 3 jours, nous sommes en train de comptabiliser toutes les critiques qui sont là, en collaboration avec la population. Et tout se fait vraiment dans l'ordre. Seulement, celui qui veut révolter les gens essaie de rassembler quelques personnes derrière lui. Mais en général, les travaux avancent normalement. Le gouverneur de la province de Bubanza nous a également précisé que ce terrain a été attribué par décret présidentiel qui date de 2015. Spécialitas Karanyana sur la colline Kagwema, Radio Isanganiro. Et 15 pays du côté des hommes et 8 du côté des femmes ont déjà confirmé leur participation au volleyball World Beach Pro Tour Bujumbura. Une compétition mondiale qui aura lieu à Bujumbura du 17 au 21 août prochain. Dans une conférence de presse animée ce vendredi, Serge Nakavura, président de la Fédération burundaise de volleyball, a fait savoir que les préparatifs vont bon train. Le Burundi sera représenté par 4 équipes, dont 3 équipes masculines et 2 féminines. Ces matchs se joueront au Petit Bassam. Suivez-le. C'est une compétition qui a du rang mondial. C'est-à-dire, il y aura les pays qui viendront sur tout le globe. Au total, il y aura 15 pays dont le Burundi, le Cameroun, la Gambie, le Kenya, le Maroc, le Rwanda et la Tanzanie du côté Afrique. Il y aura l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, Norvège et le Royaume-Uni du côté Europe. Il y aura la Colombie du côté de l'Amérique latine, et l'Israël du côté de l'Asie. Et il y aura aussi au total 86 joueurs qui seront ici, sans compter donc les coachs et les officiels. Nous sommes donc sur un beau chemin parce qu'on a presque terminé à construire le stade là où les gens vont s'asseoir. C'est ce qui est très important parce que c'est cette construction qui allait nous prendre beaucoup d'eau. Nous profitons pour remercier quand même la mairie qui nous a donné le grand sponsor pour la construction donc, de ce stade. Et puis il y a le terrain, nous sommes en train d'installer les filets. Donc il y a les équipements qui ont été donnés par la Fédération internationale. Il y a la préparation de nos joueurs ici, donc des préparatifs qui vont bon train. Le Burundi va aligner au total 5 équipes, dont 3 équipes masculines et 2 équipes féminines. Nous sommes déjà à 7 jours de la compétition et nous sommes déjà à 80% des préparatifs. Et en bref, ces étudiants burundais seront bientôt envoyés à l'étranger pour des études spécialisées dans le secteur des mines. Le ministre de l'Éducation nationale l'a annoncé ce jeudi à l'Assemblée nationale. C'est au moment où la Chambre basse du Parlement estime que ce secteur important dans la vie économique du pays intéresse beaucoup plus les investisseurs étrangers. Pour eux, il est urgent de renforcer ce secteur si le pays veut atteindre réellement ses objectifs de changer l'image du Burundi. Certains fonctionnaires de l'État œuvrant dans la province de Bururi se plaignent des irrégularités constatées au niveau d'une partie de l'ajustement salarial, déjà fait surtout sur le point concernant l'emploi type. Certains enseignants du secondaire disent en outre qu'ils ont été classés parmi ceux du primaire, ce qui diminue automatiquement leur part emploi. Au niveau de l'antenne du ministère de la fonction publique à Bururi, on indique que ces cas doivent être traités d'abord par leur chef direct, mais ces derniers expliquent qu'ils n'ont pas encore eu de caneva de correction de ces irrégularités, même si la faute ne leur revient pas. Et 9 personnes, dont l'administrateur de la commune Mabayi et le chef de zone Mabayi, sont aux arrêts depuis le soir de ce jeudi. Le procureur de la République en province de Cibitoke déclare qu'elles ont été appréhendées pour question d'enquête concernant la sécurité dans cette commune, indiquant que les arrestations et les interrogatoires continuent. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco, Douimane.